À l'occasion de la Journée du Soleil, la maison d'édition Format à Nakhodka, Russie, a publié en brochure l'œuvre classique du général Kim Jong-il, accroissant la richesse et la puissance de notre pays, de notre patrie, conformément à la volonté du président Kim Il-sung. Par ailleurs, à la même occasion, l'association de Kim Il-sung-ya et de Kim Jong-il-ya de Guinée a présenté dans son bulletin l'œuvre classique du général Kim Jong-il, le Kim Il-sung-ya est la fleur immortelle qui s'épanouit dans le cœur de l'humanité de l'époque indépendante.